La curiosité, un défaut qui fait rougir. Après les vacances de Noël, la pression monte. Les lycéens sont submergés de devoirs par des professeurs qui tiennent à ce qu'un maximum d'entre eux obtiennent le brevet. Rares sont les camarades de Faustine qui comptent s'arrêter avant le baccalauréat. Contrairement à ce qui se passe en Suisse, ici, l'apprentissage n'est pas à la mode. C'est généralement réservé aux mauvais élèves, à ceux qui ne sont pas capables d'étudier, voir ceux qui reprendront le commerce de papa. Faustine s'interroge beaucoup sur son avenir. Tous les rêves lui sont permis. Elle se verrait assez bien médecin, infirmière ou hôtesse de l'air. À Noël, elle a entendu parler à la télévision d'une organisation caritative qui vient d'être créée, Médecins sans frontières. Voilà qui serait passionnant. Travailler en voyageant. Exactement ce qui lui plaît. Elle a vu le film « Il est minuit, docteur Schweitzer » d'après une pièce de Gilbert Sesbron, son auteur préféré du moment, et ça lui a donné des idées. L'adolescente, profitant des cours de français, écrit des dissertations sur ses préoccupations. L'autre jour, le thème était « l'expatriation ». Voilà du blé à moudre. Avec tous ses voyages, Faustine a de la matière. Elle était sûre d'avoir réussi un bon travail, excellent même. Et s'attendait à ce que sa professeure le lise à la classe comme d'habitude. Mais à sa grande stupéfaction, c'est un autre élève, Henri, qui l'a coiffé au poteau. Et la prof n'a même pas lu son texte à lui. Elle s'est contentée de lui donner la meilleure note et de lui signifier « Vous savez pourquoi je ne le lirai pas, n'est-ce pas ?» L'autre a acquiescé sobrement. Faustine, curieuse, n'aime pas rester sur une frustration. Impossible ne faisant pas partie de son vocabulaire, elle élabore, pendant la récréation, une stratégie destinée à éloigner son auteur du récit convoité. Henri est un garçon effacé et très pudique. Il a bien tenté depuis qu'il est arrivé de s'intégrer aux différents groupes. Mais comme il n'est ni hâbleur, ni fantoche, ni particulièrement beau, et qu'en plus il vient d'ailleurs, un étranger, on l'ignore. C'est pourquoi aujourd'hui il s'étonne de l'intérêt soudain qu'il suscite parmi les demoiselles de sa classe. Elles l'entreprennent gentiment sur toutes sortes de sujets, tout en l'éloignant de ses affaires. Faustine arrive à déplacer discrètement son cartable, puis à le planquer de manière à ce qu'il soit hors de vue de l'intéressé. Elle l'ouvre, s'emparant du document convoité, elle le cache sous son pull, file aux toilettes, suivie de l'infidèle Nicole et de deux ou trois autres complices. Là, bien planquée, elle se penche sur les lignes de leurs camarades et entame la lecture. Au fur et à mesure qu'elle avance, Faustine sent poindre la chair de poule et monter à son front le rouge de la honte. Elle oublie de critiquer les fautes d'orthographe, tant elle est émue par l'histoire. Elle avait lu Les Misérables, Les Mystères de Paris, Zola et quelques autres, mais elle ne les avait jamais associés à la vraie vie. Elle survole très vite le parcours de cette famille. Ils sont 7, 2 adultes et 5 enfants, qui quittent l'enfer du Nord, le chômage et la misère, en route vers la Côte d'Azur. Parce que, miraculeusement, le père y a trouvé du travail. La jeune fille ressent la joie partagée, le bonheur tangible, les préparatifs fébriles et euphoriques, jusqu'à ce qu'enfin tout le monde s'installe dans le compartiment à destination de Paris. Ensuite, de Paris à Nice, on prend le célèbre train bleu. Paris, Lyon, Avignon, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Nice, enfin. On réveille les petits, et aussi maman qui dort si bien tête contre la vitre. On la secoue. Maman ! Maman ! Maman ne se réveille pas, ne se réveillera plus, jamais. Car le cœur de maman, usé, exténué, épuisé, a cessé de battre. Indicible est le désespoir de son mari, la détresse des enfants, dont Henri, qui n'en a jamais rien montré. Faustine est choquée, attristée, consternée, empathique, elle se sent misérable, culpabilise de son indiscrétion. Sans un mot, elle rapporte les feuillets là où elle les a pris. Heureusement, Henri est resté dehors. Il se fait mentalement la promesse de ne plus jamais, jamais réitérer cette impudence.